besoin d'y croire. J'ai besoin d'y croire. Ça peut partir en clip par mon plein samedi soir. En plein samedi soir. Dédicace à mes OG. Mes gars ne savent même pas les gros que c'est des OG. J'ai encore mal, mais quand y'a hey, j'assors les outils. Mais ce qui est nous, c'est pas que la MZ musique. C'est pas de la musique pour les mythos, c'est de la MZ. C'est pas de la musique pour les bouffons, c'est de la MZ. Join Z, tiens pas l'eau, pitié, c'est mon happy birthday. Mais ce qui est nous, c'est pas que la MZ musique, nigga. Ils ont sucé, je les ai laissés. Ils ont damé, ça m'a lésé. Me voilà de retour détané. Seigneur, voulez-vous les aider? Si j'y vais forcer pour ma bande, si j'y vais forcer pour mon gang, on charbonne, ça fait des années pour ces maudits billets de banque. Spécial dédicace à Davidson. Aujourd'hui nos sons circulent dehors de la zone. J'ai vendu plus de dope que de CD. Jusqu'ici je travaille dur pour changer la donne. J'en fais la guerre sans Trikaki. Bitch monte sur la beat du Big Daddy. Fais-moi cracher, vas-y bébé. Que je retourne m'occuper de mes ennemis. Comme les négros qui m'entourent, je suis un OG. Comme la variété de Naïvi, je suis un OG. Ma mafia, c'est gérer l'omerta. Pour ça qu'on reste toujours muet devant le PJ. Fous tout, sauce, graines, aromagie. A gangster d'amour, fuck les négros fragiles. Je suis pas les tous zodiacs sans talon d'Achille. Les putains tombent, les seuls le par les jokers agis. Tu piges? Comme les témoins de Jéhovah, j'ai besoin d'y croire. J'ai besoin d'y croire. Ça peut partir en clip par mon plein samedi soir. En plein samedi soir. Dédicace à mes OG. Mes gars ne savent même pas les gros que c'est des OG. J'adore mal mais quand y'a hey, j'assors les outils. Mais ce qui est nous, c'est pas que la MZ musique. C'est pas de la musique pour les mythos, c'est de la MZ. C'est pas de la musique pour les bouffons, c'est de la MZ. Join Z, tiens pas l'eau, pitié, c'est mon happy birthday. Mais ce qui est nous, c'est pas que la MZ musique, nigga. La vie, je le dis à tous mes OG. La vie, je le dis à tous mes OG. Laisse mon poteau pour voir les outils. On n'est pas des voyous, disons plutôt des hommes avertis. Bisous à toutes ces femelles OG. Bisous à toutes ces femelles OG. Mon OG t'a trompé, je sais que c'est pas joli. Surtout quand tu vomis pour accueillir l'arrivée de son fils. La musique est bonne comme la coke que tu sniffes. Négro j'dors mal quand j'fais pas rentrer de bif. T'as pas l'eau dans le verre jusqu'à en devenir ivre. Et quand tu passes à la casserole demande à Jean-Yves. B2 zipette amené. Sur le bif et méga vote la ramener. Nos stories de merde se termineront jamais. Mais par rapport à ces clochards on est armés. J'prépare les pochetons, cherche la codéine. A checker poisson brisé en guise de protéines. Jesse Jesseline, Marlo Lynn. Pendant que ce rappeur qu'a me fait disparaître sa ligne. On n'a jamais été sage. On a jamais été sage. Et ton petit cette pute de maîtresse ne nous a jamais donné d'image. J'suis avec Yax, au sage, on cherche le cash. Comme les témoins de Jéhovah, j'ai besoin d'y croire. J'ai besoin d'y croire. Ça peut partir en clip par mon plein samedi soir. En plein samedi soir. Dédicace à mes OG. Mes gars ne savent même pas négro que c'est des OG. J'adore mal mais quand y'a hey, j'assors les outils. Mais ce qui est nous, c'est pas que la MZ musique. C'est pas de la musique pour les mythos, c'est de la MZ. C'est pas de la musique pour les bouffons, c'est de la MZ. Join Z, tiens pas l'eau, pitié, c'est mon happy birthday. Mais ce qui est nous, c'est pas que la MZ musique, nigga. La vie, je le dis à tous mes OG. La vie, je le dis à tous mes OG. Laisse mon poteau pour voir les outils. On n'est pas des voyous, disons plutôt des hommes avertis. Bisous à toutes ces femelles OG. Bisous à toutes ces femelles OG. Mon OG t'a trompé, je sais que c'est pas joli. Surtout quand tu vomis pour accueillir l'arrivée de son fils.